Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Exactement, avec Léna dans les studios. Présente. Ouais. Et puis la bonne humeur également qui nous a rejoint d'un coup là comme ça, puisqu'on vient de démarrer l'émission. Puis vous les auditeurs qui êtes tout autant sympathiques les uns que les autres, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai. Et la suite, bah, c'est avec tout simplement Léna qui va vous annoncer le programme, parce qu'elle a un programme de folie. Il est dans ta tête, le programme. Oui, là, il est dans ma tête. Alors, nous allons retrouver le sondage, la série radiophonique, la sonore chronique, le journal de la rédaction, le saint du jour et le canular. Je savais que t'avais une tête bien faite, mais alors là, elle est bien pleine. Nickel, hein. Sans papier, sans rien. Ah non, mais on fait ça comme ça. Bah ouais, ça y est. Comme ça, sur le fil, on vous annonce tout. Et puis les news, tout ça, enfin tout va être fait en impro total. C'est ça qu'on aime bien dans l'émission. C'est la journée impro aujourd'hui. Voilà, c'est la journée, c'est l'émission impro. Voilà. D'accord. On n'a aucun papier sur nous. Et c'est dire que ça va être bien sympatoche. La suite, c'est Black Eyed Peas, c'est le son du Say Shut Up, Shut Up. Club VIP. Club VIP. Club VIP. Backstage obligatoire. Obligatoire. Even more, that's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control, and we try to make it work. You gotta move so fast. Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up, shut up. Shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I'm a new man. Let's forget the bed, start this new plan. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing, same ass excuses. Boy, you useless. Shut up, just shut up, shut up, just shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, sh talking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop talking, baby. Is that all there is? Le club VIP. Le club VIP, eh ben à l'instant c'était Black Eyed Peas. On va vous passer comme ça pas mal de succès qu'on fait les beaux jours des charts, parce que Black Eyed Peas, Shut Up, c'est quand même le titre par excellence. Et puis au milieu de ces succès interplanétaires, interdimensionnels, on va vous passer également des nouveautés, parce qu'ils sont tombés, hein. Vous savez qu'on approche du mois de septembre, et là les maisons de disques sont sur le qui-vive, elles nous envoient comme ça un paquet de choses que vous allez entendre tout au long de l'automne, tout au long de l'hiver, il faut dire les mots, et un peu c'est les succès qui vont vous accompagner. On a envie sur Estival comme ça de vous donner un aperçu de ce que vous allez entendre tout au long de l'année, parce que là pour le coup on va pas avoir un temps d'avance mais au moins 6 mois d'avance puisqu'ils sont tombés juste là à l'instant. Il y aura également Léna dans les studios qui viendra nous parler du sondage, vous savez ce fameux sondage du jour, un particularisme pérosien mis en exergue, si je puis me permettre ce terme, par notre experte du sondage. D'ailleurs, on chuchote à la radio qu'elle va sans doute être reprise par une grande société de sondage, CSA, Sofres, enfin bon, ses qualités de sondeuse sont reconnues mondialement, on peut le dire. La suite de la musique, justement, je vous parlais de nouveautés, c'est le dernier Shima, c'est Oublie-moi. Fais tomber dans ton vice, oh non, c'est tellement pas pour moi. C'est efface ta malice, c'est ta frime, mais c'est trop pour moi. Baby, si en fait tu veux savoir pourquoi, je m'éloigne, je fuis les mecs comme toi. C'est peut-être que je n'ai plus le temps de jouer sur les sentiments. Mais pas sur mon phone, c'est oh non, me traite comme tu traites, c'est oh non, je vois beaucoup plus que ça. Désolé, baby, oublie-moi. Faire la belle et poser pour toi, oh non. Shimmy yo, shimmy shine, sing it baby, let's go. Penses-tu que je marcherai si tu me couvrais de cadeaux, de bagues, de promesses, de billets? Baby, sache que mon amour ne coûte rien, j'ai besoin d'un mec simple et bien. Penses-tu que je t'attendrai quand tu seras loin de moi, avec tes copines à t'amuser? Non, j'ai besoin de tellement plus que ça. Pas sur mon phone, c'est oh non, me traite comme tu traites, c'est oh non. Yeah. club VIP. Et oui, Jim, oublie-moi, c'est le tout dernier. Et ça va vous poursuivre dans ce tube parce que Jim, c'est une bonne chanteuse. On est avec Léna dans les studios. Oui, toujours là. Et on va parler d'ici quelques instants, ça s'annonce bien, le sondage. J'ai expliqué aux auditeurs comment t'étais reconnue dans le milieu du sondage. C'est vrai? Ah oui, je leur ai expliqué tout. C'est très gentil. Je leur ai dit combien les sociétés de sondage nous contactaient pour essayer de t'avoir. Je suis très demandée, c'est vrai. Il y en a eu beaucoup cet été qui nous ont contactés. Mais bon, on a tenu bon, on a à chaque fois augmenté le cachet de Léna, ça devenait compliqué, mais bon, on a réussi. T'as réussi à me vendre, ça y est? Ah non, ah oui aussi, oui, exact, je t'en parle. La suite de la musique, Room 5, c'est la chambre 5, le titre c'est Make Love. We'll be right back. Room 5 Make Love, c'était le générique d'ailleurs d'une série de télé-réalité. C'était même un programme, je crois que c'était Nice People, au hasard. Je crois. Tu as tout à fait raison, tu as gagné. Et... je suis spécialisé, j'ai un BEPC de... Oula. Oui, je sais, ça n'existe plus. J'ai un BEP de télé-réalité. Tu as de la chance. Ouais, tu peux me poser des questions, par exemple, et comme j'ai le diplôme, je peux te répondre instantanément. D'accord. C'est assez rare. Hein. Et j'ai pris option Star Academy. Je connais Star tous Academy. Les vainqueurs. Ouais, bien sûr. Ouais. Qui a gagné l'année dernière ? Alors l'année dernière, c'était Grégory le Marchand. Le Marchand, oui. Le Marchand. C'est pas grave, t'étais presque. Ouais, ça va. J'ai pas eu de 20 sur 20 non plus à mon examen. Hein. Ah, je me disais aussi. Surtout que celui-là, il est connu en plus. J'imagine les autres. Le premier. La première. La première. C'est. C'était un piège pour voir. La première. Jennifer, c'est oui. Facile. C'est le deuxième, souvent on s'en rappelle moins. Quoique, elle était du coin. Oui, c'est Nolwenn. Nolwenn Leroy, tout à fait. Et la troisième ? Elle était pas mal non plus. Elle s'appelait comment, elle ? Il y a eu Elodie Frégé. Voilà, c'était elle. Tout simplement. Et si on continue dans la lignée, il y en avait encore une autre. Une Magali, je crois. Vaé. Voilà. Voilà, tu vois, j'ai le diplôme, moi. C'est officiel. Oh, faut qu'on attaque le sondage. Déjà ? Ah ouais, parce que je vois l'heure, on est super en retard. D'ailleurs, les jingles partent du coup pour nous prévenir. D'accord. On va attaquer ce sondage du jour avec notre experte. On t'a annoncé avec force et rage. Je crois que c'est un sondage qui s'écoute en plus. Le sondage du jour. Toutes les tendances enfin déchiffrées par notre expert. Alors, en début d'été, j'avais demandé quel était le tube donc en fait de cet été. Ah, je me rappelle, ouais. Tu te souviens, donc c'était David Guetta en 1 avec Love Is Gone, Christophe Willem avec Double Jeu et Fatal Bazooka avec Bouge ton boule. Bouge ton boule. Donc j'ai reposé la question à la fin de l'été pour savoir si les pronostics étaient bons. Bien sûr. Et ben en fait, c'est pas du tout ça. Ah, ça y est, ça a changé. Ah, ça a changé totalement. Mince, alors qui est premier dans Attention, la tête des... On passe par le troisième déjà. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est le suspense. Bien. Suspense, ça va. Alors, en troisième place, on a Mika avec Love Today. Et dont on écoute un extrait. Vas-y. Tout de suite. Il est troisième. Voilà. On a, bien sûr, Magic System avec Kidiné. En deuxième bon, position. On est le roi de la danse. C'est bien. Et bien sûr, en première position, le chouchou de ces dames, le lover de l'été, c'est Christophe Maé. Voilà, c'est ce qu'on t'a répondu sur Echo de Granit Rose. Oui. Moi, je te propose de retrouver Christophe Maé parce qu'on ne sait jamais. Et merci pour ce sondage. De rien. Tant de plaisirs faciles, d'envies puériles qui nous retiennent vers le bas. Prêt à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut s'il y a un après, au moins sauver sa peau parce qu'on sait jamais. On est capable du pire, d'aimer à culpa, de toutes les mauvaises fois. Qui pourrait encore dire qui est Saint Thomas quand son heure arrivera? Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le sa peau, parce qu'on sait jamais s'il y a un après. Et alors on baisse les bras pour venir se faire pardonner. D'y avoir cru tellement peu et de vouloir se racheter. Parce qu'on ne sait jamais. On regarde vers le haut. On regarde vers le haut. S'il y a un après, oh non, au moins sauver sa peau. Parce qu'on sait jamais. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Le club VIP avec Léna, toujours présente. Avec Jack, présent. Allez, je le dis aussi pareil. Et comme les choses sont bien faites, nous allons vous annoncer le sommaire de l'émission. Un sommaire qui se conjugue au avec... passé. Parce que le passé ne fait plus partie de ton futur, c'est ah, ça. Ouais, c'est allez. Beau, c'est ce que tu viens de dire. qui se conjugue surtout avec... Kiss Forever. Ouais, le bon esprit, la rigolade, voir la gaudriole, voir... J'adore ce mot. La potacherie. C'est vrai. C'est le fait d'être potache, hein. J'explique un peu parce que on invente des mots, c'est des barbarités. Oui, mais moi je... Intro. Il faut savoir quand même que vous nous écoutez également vendredi, ça certes, mais samedi. Donc on va vous gâter au niveau programme musical. C'est vrai qu'on va monter à la puissance millénium. Là on est obligé. Fini les slow. Hein, Fini mon Christophe Maé, au revoir. Alors on va passer du boom boom, parce qu'on est premier sur le boom boom aussi. Voilà, on va passer du boom boom. Tout pris. Intro donc, Alan Braxté. Yeah. le club VIP plonge dans l'été. Le club VIP, c'est également la saga radiophonique Kiss Kiss Forever. Oui, avec Brian et Pamela, c'est yes. Docteur Lover, Docteur Mamour, Jérémix. Rudolf. Bisous, bisous pour toujours. ça rendait moins bien en français. Oui. Hein. Faut faire croc-bisous. Croc-bisous. Double bisous pour toujours. Donc là, c'est l'épisode 14 hein, que nous allons vous diffuser. Déjà. Ah bah ouais. Et dire que ça va jusqu'au 20e épisode. Il y a combien de 20 épisodes? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous gâte, puisque la semaine prochaine, vous avez toute la conclusion finalement. Bah voilà. Bon, voici 3 minutes de plaisir radiophonique, comme peu de radios vous en ont offert jusqu'à présent. Hein, et exclu sur la saga radiophonique de l'été Kiss Kiss Forever. Dans les épisodes précédents, Brian est sorti de l'amnésie. En allant chez son producteur, il se remémore une partie de son accident. C'est sa femme qui lui aurait tiré dessus. Voici l'épisode 14 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Menace cachée ». Bureau du producteur Donald Crockwood, minuit 17. Merci Donald, vous m'avez permis de retrouver une partie de ma mémoire. Je n'ai été qu'un déclic. Il faut toujours une mèche pour arriver à l'explosion. Sans vous, je n'aurais pu faire sauter les barrières qui retenaient mes sombres souvenirs. En effet, c'est terrible de penser que votre femme soit à l'origine de votre malheur. Cela ne m'étonne qu'à moitié. En investissant toute ma fortune dans un film, je prenais un risque. Et votre femme n'était pas très joueuse. Oh, ça dépend avec quoi. Mais avec l'argent, il faut croire que j'avais touché le point sensible. Qu'allez-vous faire? D'abord, je crois qu'il faut que nous fassions ce film à l'ouest de l'amour. Et puis je dois avoir une discussion avec ma femme. Vous ne pouvez pas demander le divorce. Ah bon, pourquoi? Si vous divorcez, elle aura la moitié de votre argent et de ce fait la moitié du film. Elle a pourtant cherché à me tuer. Vous n'avez aucune preuve à part de vagues souvenirs perdus dans la tête. Vous avez raison. Je vais pousser Pamela à la faute. Vous marchez sur des œufs, car si Pamela se doute que vous avez retrouvé la mémoire, elle se méfiera de vous et de vos agissements. Alors je vais marcher sur des œufs avec des charentaises pour absorber les chocs et éviter l'omelette. Résidence Forever, 9h04. Brian n'est toujours pas rentré de son entrevue avec le producteur ? Il faut croire que non, Pamela. Sa voiture n'est pas dans le garage. Ils ont réécrit ensemble la vie de mon mari, je crois. Ils avaient sans doute beaucoup de choses à se dire. Ça vous inquiète ? Pas plus que ça, mais son café va refroidir. Et je dois aller voir mon rééducateur de fessiers. Votre amant, Pamela ? Non, mon coach personnel. À plus tard. Bonjour Pam, du coca? Je n'ai pas très soif. Tu devais éliminer mon mari avant qu'il n'investisse toute notre fortune dans son film pour Midinette. Résultat, il passe toute la nuit avec le producteur pour remettre à jour les contacts. Si tu es ruiné, tu pourras toujours venir ici dans mon 16 mètres carrés. Tu seras la reine. La reine des tâches. Tu es cruel. Et toi, tu es un témoin un peu trop bavard. Je n'ai pas intérêt à te garder en vie. Et c'est pour cela que tu me pointes une mitrailleuse sur mon cœur? Tu es perspicace. Je t'offre un aller simple pour l'enfer. Avec mon tarif chômeur, il ne te coûtera pas cher. Jusqu'au bout, tu garderas ton humour. Adieu, Rudolf. Mais que de suspense. Mais quelle est méchante, cette Pamela. Elle protège ses intérêts, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est curieux ça. Bob Sinclair, World On. On verra un petit peu plus la suite pour l'épisode 15 de cette saga radiophonique. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Et nous diffuserons en avant-première cet épisode. Allez, on va siffler avec World On. Non, il siffle pas dans celle-là, si? Non, il siffle pas. Open up your heart, what do you feel? Sky. World, hold on, come on, everybody. FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Wellness. Club VIP. Le club VIP, c'est reparti. C'est à l'instant Step Up Sinclair avec le titre World Hold On. Titre très dans l'esprit week-end, ça tombe bien puisque nous y sommes. Oui, nous sommes déjà le week-end, la semaine est terminée, donc on va monter à la puissance millénium, c'est ça maintenant ? Oui, tout à fait, montons au sommet de la bande FM avec la puissance millénium. Salons également nos web internautes, souviens-toi du site internet sur lequel ils sont et sur lequel vous pouvez voir des photos intéressantes du Festival des Hortensias par exemple et d'autres pour des diverses promos. Un petit rappel sur le site ? Alors, c'est le www.station-millennium.com, c'est ça que tu voulais, je pense. Exact, exact, c'est exactement ça que je voulais. Voilà. Qu'est-ce que nous allons retrouver dans... La Summer Chronique avec le DVD test. Ah oui, c'est bien ça. T'aimes bien le cinéma un peu ? Oui, j'aime bien. C'est le 7ème art. T'as été voir quoi comme dernier film, par exemple ? Oula, Harry Potter. Oula, Harry Potter. Ah oui, c'était pas les Simpsons. Non, j'ai pas pu y aller. D'accord. Mais c'est que partie remise. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est place de cinéma, tout ça, cadeau, moi je vous cache, je vais vous faire une révélation dans le micro, mais on va vous faire gagner des places. De cinéma ? Ouais, et des pourriches tuitres. Il faut pas trop dire trop fort, et puis je vais pas vous donner trop fort le numéro SMS, mais c'est 0622 69 18 19. Mais c'est... Hein ? 0622 69. Tu peux pas parler plus fort, j'entends pas. 19. Je peux pas le dire plus fort parce que. Il y a quand même. Tu peux des pas dire cadeaux. Que c'est le 0622 69 18 19. Mais ça y est, tu triches et puis voilà, il y en a qui ont entendu et puis moi c'était pas mon intention. Eh ben, je suis désolée. Il nous reste très peu de places de cinéma donc j'espérais quand même que ça restait confidentiel tout ça. Jimmy L, nos différences. Ma différence, ceux qui fâchent des hommes sensibles, une révérence. Je parle de toi et moi, construire un avenir, écrire une nouvelle séquence de l'histoire. On a tellement à pardonner, tellement à devoir créer. Les mots s'échappent de ma bouche, mon histoire, un sourire. Esquisse du vrai, il faut nourrir. J'ai tant à apprendre, tant à te faire découvrir. Se faire de l'autre, mourir, l'autre est. Quand l'autre sait, qui vit, voit ce qui se fait, ce qui se comprends, nous appartient. Je te retiens de m'apprécier, aimer ma musique, ma personne, qui je suis, mes valeurs, ce qui se fait, ce qui fait le monde, ce qui fait que toi et moi on avancera. Pour s'amuser, excite, crée sujet des textes avant de rendre esprit à offrir ainsi. Mon cursus te redonne de l'air, de Paris à Bel Air. Ai-je tant d'horizons, ai-je tant de mauvaises intentions? Dis-le-moi, le sexe appuie, les textes épile, le sax aussi, mes sens grésil, complexe, peace and deal. Si tu aimes, lève ton doigt, puis touche tes cheveux, bouge ton corps, et mets tes sens en éveil. Ton esprit se rebelle, mélodie bien cool, elle, j'ai elle, pour elle. Le Club VIP, la suite avec Jimmy L, nos différences, c'était bien. Et vous connaissez sans doute d'où vient cette chanson, c'est de Arnold et Willy. Oui. Et c'était quoi le titre de cette série? Bah c'est Arnold et Willy. Oui, tout simplement, pourquoi tu me dis, pourquoi tu me cherches compliqué quand on peut faire simple, Léna? Oui. Chaque fois tu compliques tout, c'est vraiment une manie. Nous avons dans les studios la présence d'un écran de cinéma. C'est vrai? Bah ouais. Il est beau. Ah, il est pas mal. Il est grand. 16/9e. Tu peux le garder pour le mettre chez moi? Oui. Hein? Si tu veux. En tout cas, on va vous projeter une. C'est une espèce de décodage de film. Vous savez, les films, c'est important d'en regarder. Ça vous permet de vous changer les idées, puis tout simplement découvrir de nouvelles histoires. Je vous propose aujourd'hui tout simplement d'attaquer avec le film I, Robot. Tu l'as déjà vu? Non. Non, c'est pas vrai. Non, je ne l'ai pas Will vu. Avec Will Smith. Non, excuse-moi, je ne l'ai pas vu. Bon, alors ça tombe bien. Si tu l'as vu ou tu l'as pas vu, je vais lui donner une note. Je vais le décortiquer. Je vais vous passer des extraits. Et comme ça, si ça vous dit de l'acheter en DVD, bah, vous serez seul juge. Bah, avec, je regarderai ça ce week-end alors. Avec ce petit commentaire. Une note, un DVD, un jour, c'est vendredi. DVD test. On passe sur le grill, un DVD. Moteur, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans DVD test. Aujourd'hui, nous allons tester le film américain iRobot, réalisé par Alex Proyas et sorti en 2004. Alors iRobot, c'est un film qui se passe en 2035, c'est un film de science-fiction avec des robots évidemment, mais attention, pas des robots ménagers style friteuse ou cocotte minute, non non, c'est des robots qui parlent, qui sont comme nous avec un corps, une tête, c'est un peu des serviteurs en métal. Alors rentrons un peu dans le cœur de l'histoire. Entrée autorisée. C'est gentil. Les robots sont très appréciés des hommes, vous l'avez compris, sauf d'un policier rebelle qui pense qu'ils sont nuisibles pour l'humanité et capables de tuer. C'est le détective Del Spooner, interprété par Will Smith. Lui, il est persuadé que les robots sont des méchants. Pas comme une friteuse, quoi. Vous dites qu'ils sont programmés sur la base des trois lois. Ça veut dire que nous avons devant nous 1000 robots qui n'essaieront pas de se défendre si ça les force à désobéir à l'ordre d'un humain. Sauf qu'il y en a un qui le fera. Inspecteur, posez ça tout de suite. Ça rime à quoi, ces visages ? Pourquoi vous voulez absolument les faire ressembler à des humains? Ces robots ne sont en aucun cas sensibles à l'intimidation. Parce que sinon, on n'aurait pas confiance en eux. Ces robots sont la propriété de l'entreprise. Pas moi. Ces trucs-là, c'est que du fil électrique et des bouts de fer. Vous êtes fous? Et Will Smith va casser un paquet de robots. D'ailleurs, certains vont même commencer à avoir peur de mourir. C'est dire. Si vous découvrez pourquoi je fonctionne mal, pourrez-vous me réparer? Pourquoi pas? Je pense que ce serait mieux. de ne pas mourir. Pas vous, docteur ? Les robots ont des sentiments et c'est là tout le principe du film. Et oui, c'est vrai qu'avec les sentiments, ça complique beaucoup les choses. Un jour, ils auront des secrets. Un jour, ils feront des rêves. Les effets spéciaux sont superbes, la conception graphique des robots a été réalisée par un Français, donc Cocorico. En revanche, l'histoire est un petit peu trop plein de bons sentiments. On franchit très vite le seuil de l'overdose. Ah bah oui, trop de bons sentiments, tue le bon sentiment. Et je vais donner une note, ça sera 10 sur 20, hélas. Enfin, c'est pas mal, bon, ça se laisse regarder sans plus, 10 sur 20. À bientôt pour un prochain DVD sur le grill. C'était DVD Test. DVD Test. 10 sur 20 donc pour e-robot, tu l'achèteras ou pas finalement? Bah je vais le louer alors. D'accord, c'est mieux. Daddy Yankee, Impacto. Festival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Wellness. Le Wellness. Club VIP. Oui, parce qu'autant Club VIP, on est vendredi, autant également vous pouvez nous réécouter le samedi également. Faut savoir ça. Faut le dire tout de suite. Hein. Dès à présent, 0622 69 18 19 si vous voulez nous joindre par SMS. Et ça, c'est un numéro qui peut vous faire gagner des cadeaux et puis vous êtes nombreux à l'utiliser. Gratos, les cadeaux, gratos. Ça fait plaisir. Léna est dans les studios. Toujours présente. On a des petits codes entre nous. Présent, ça veut dire je suis là. Enfin, ça, ouais. Vous connaissez le français, j'imagine. Aussi bien que nous. On va pas vous faire un cours. Thomas. Ah, Thomas. Si, Thomas est là. Faut-il... Présent, il est présent. On a pointé. Donc, Thomas, qui est le coach sportif. qui entraîne un peu toute l'équipe à travers diverses manifestations sportives. Hein, il est très fort. Et nous allons attaquer la suite avec le journal de la rédaction. Mais oui. Oh, bah, c'est là, regarde, je te montre ma montre. C'est pour ça qu'il disait ça. Il est grand temps d'attaquer le journal. Oui, bah, c'est juste après Syndicate of Law. Le titre, c'est Right on Time. Et ça, c'est excellent pour redonner tout simplement la vibes. Ouais. Pour annoncer Syndicate of Law, Ride on Time. Club VIP. Et oui, c'est le Club VIP avec Léna dans les studios. Présente. Voilà. Et nous allons. Tu n'es pas obligé de dire présente. Hein, tu peux dire oui aussi, on aime bien. Je peux dire oui. Oui. Parce qu'une fois qu'on a fait le pointage, tu sais, le professeur sait que les élèves sont là en quelque sorte. Mais entre temps, je peux partir. Ah non, mais ça s'appelle sécher. C'est vrai. Sécher pendant le cours. Alors là, c'est très très mal vu. Tu iras au coin avec un bonnet d'âne. D'accord. Mais je pense pas, puisque tu as le programme estival qui apparemment, on va pas t'envoyer au coin tout de suite. Ça va être juste après donc ce journal de la rédaction qui est toujours un grand moment dans la radio. Mm-hmm. Parce que vous allez savoir les news insolites. Faut savoir qu'on en a pas mal. On en sélectionne quelques-unes, les plus cocasses, les plus drôles. Celles qui peuvent nous apporter les plus grosses poilades. C'est le journal de la rédaction. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors au sommaire, une prêtresse des sorcières accusée à Salem et une Suédoise obligée de créer une zone non-fumeur dans son propre jardin. Alors voilà le programme. Je développe une prêtresse des sorcières accusée à Salem. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça se passe dans le Massachusetts. Une grande prêtresse des sorcières, autoproclamée et une autre personne sont accusées d'avoir déposé des restes de ratons laveurs devant des commerces à Salem, dans le nord-est des États-Unis. Ville rendue célèbre pour ses procès en sorcellerie du XVIIe siècle. Il s'agirait d'un règlement de compte au sein d'une communauté Wicca, mouvement néo-païen qui compte de nombreux adeptes à Salem. Sharon Graham, donc Sharon Graham, 46 ans, est une autre membre de la communauté Wicca. Frédéric Purtz ont plaidé non coupable mercredi des accusations de dépôt illégal, d'ordure et de destruction de propriété. Madame Graham est également mise en cause pour intimidation d'un témoin. Le tandem est accusé d'avoir déposé une tête et des entrailles de raton laveur sur le seuil de deux commerces en mai. Sympathique! Une Suédoise obligée de créer une zone non-fumeur dans son propre jardin, ça se passe à Stockholm. Donc c'est une dépêche AFP. Un tribunal suédois a contraint une femme à délimiter une zone non-fumeur dans la plus grande partie de son jardin à la suite d'une plainte d'un voisin avocat. Ah oui, faut pas avoir de voisin avocat, ça c'est pas bon. Qui se disait gravement accommodé par la fumée, a rapporté jeudi le journal Sydsvenskan. Je l'ai bien dit. Je vais me plier à la décision de la cour parce que j'ai peur d'avoir à payer des amendes, mais je suis furieuse, a déclaré la femme au journal suédois. De toute façon, si vous avez un voisin avocat, vaut presque mieux déménager. Parce qu'ils connaissent bien les lois, ces avocats, hein, attention. Et donc, elle a été obligée de faire sa zone non-fumeur. Les noms des deux adversaires n'ont pas été révélés et le voisin anti-tabac demandait une interdiction de fumer. Ce qui peut être assez légitime d'un sens. Mais elle devait être drôlement fumée parce que pour réussir à incommoder son voisin, à moins que ça soit vraiment très très limitrophe, mais bah, c'est pas plus mal, donc faites attention. La suite, c'est le programme estival Capparmora, c'est avec Léna dans les studios. Alors, je vais vous donner donc la programmation du week-end. Donc vous avez pour vendredi après-midi, donc cet après-midi, fabrication de cartes postales en relief de 14h à 16h, tournoi de foot sur herbe. Donc moins de 14 et plus de 14 de 15h à 17h30, c'est à Kerabram pour la soirée. Donc c'est balade en voilier de 17h à 19h30 et tennis de table de 17h à 19h. Pour samedi, donc samedi après-midi, vous avez jeu de loi géant de 14h à 16h30. Pour la soirée, c'est du Abington, donc l'initiation est de 18h à 19h, le tournoi des moins de 14 de 19h à 20h et le tournoi des plus de 14 de 20h30 à 23h et c'est à Kerabram. Tu es en train de nettoyer les cadres. Jack fait du ménage. Carte postale en 3D. Non. Alors, dimanche après-midi, vous avez tournoi de volley 3 contre 3 de 17h30 de 13h30 à 17h et c'est à Trestraou. Et le week-end, destination bien-être. Donc aujourd'hui, c'est le multimédia et toi à Trestraou. Samedi, c'est la sexualité, c'est à Trestraou aussi. Et dimanche, c'est des tresses colorées pour finir l'été en beauté, c'est à Trestraou aussi. Arrête. Tu as vu ma carte postale en 3D ? Elle est pas mal. Non, il faut y aller cet après-midi. Ouais, c'est à 14h. C'est à quelle heure ? Ah oui, d'accord, je suis en avance. Oui, un petit peu. Bon, ok, tant pis. Pour la musique, Modern Talking, le titre c'est You're My Heart, You're My... Oui. Ah, tu connais pas ? Si. C'est vieux. C'est sympathique. C'est super vieux. Ah mais on vous a dit, on prend tous les plus grands succès. Ça va plus. You're My Heart, You're My Soul. Ah oui. Everything I sacrifice just to make her my wife. Keeps me hot like fire, never cold like ice. I pay any price, cause she's just that nice. Every line of my rhyme is dedicated to you, and I'll always be true, never will you be blue. You're the best for me, I love you till I grow old. Worth more than gold, cause you're my heart you're and soul. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. love myself. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. Vous avez pu entendre Modern Talking, New My Heart, Your My Soul sur antenne. Et je suis avec Léna, elle me disait comme ça qu'on piochait dans les vieux, dans les archives. Oui, dans mes dance machines. Tu as osé me voler un dance machine. Mais tu peux faire plus vieux encore. On peut toujours faire plus vieux. Ouais, pas mal. Et tu vois, ça c'est des tubes, ça reste interplanétaire. Dans les mariages, ça cartonne. Oh, vous verriez Léna qui vous fait une chorégraphie. C'est rien que pour vous, c'est pour le micro, mais je peux vous dire comme ça dans le studio qu'il y a de l'ambiance. Tu fais bien, t'as appris. Bah ouais. Tu t'entraînes. Oh, il y a pas besoin d'entraînement pour la Macarena. Ah bon, d'accord. Tu vas Why Not? Ah ouais, c'est notre partenaire, non? Bah il me semble, oui. Le partenaire des bonnes ambiances et des soirées. Et effectivement, on peut l'entendre de temps en temps. Ah oui, je me rappelle. Oui, je me suis... Oui. Pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Ouais. La suite du programme avec dans le Saint du jour. C'est ça. Voilà. Alors, c'était un prénom à l'honneur. Oui. On ne sait pas lequel encore. On n'a pas encore décidé. C'est vrai. C'est pas mal de faire l'émission avec un fond Macarena. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on va peut-être faire toute l'émission avec Macarena. Bon, la suite, c'est avec également Magic System qui dit mais parce que vous l'avez plébiscité. Est-ce qu'on peut rappeler le sondage quand même? Bah, c'est le numéro 2 de tube de l'été. C'est le voilà. Deuxième tube de l'été. Vous vous rendez compte? Ah, hey. Ah, ça commence comme ça. Je le connais par cœur, j'adore. Oui, toujours. Et là, Akubayo. Sous Akubayo, yo. C'est toujours le show. En Côte d'Ivoire, entre nous, c'est toujours la bière. club VIP. Club VIP. Next time, next épisode, c'est la suite du club avec Léna. Je suis toujours là. Waouh. Ah non, mais tu nous ensoleilles quand même cet été. Hein. C'est vrai, ah je te remercie. Ouais. Ah non, mais heureusement que t'étais là parce que le vrai soleil, il était parti lui. Oui, c'est vrai. Et c'est des choses qui arrivent, mais là tout de suite, on va vous parler de façon beaucoup plus sérieuse, bien sûr, du saint du jour. Ah oui, c'est le saint l'honneur. Je crois que tu as choisi un saint bien sympathique, un prénom Dieuret. Oui. Et tu vas nous faire la caractérologie. J'ai bien retenu quand même hein, ce c'est mot, caractérologie. Bien. La psychologie du prénom. Je crois que je t'aurais appris un mot pendant l'été. Un mot, dis donc. Et moi, je t'aurais appris tous les autres. C'est pas vrai, t'en avais déjà plein. Ouais. Non mais je te taquine, je te chagrine. Je sais. Mais vu que c'est le week-end, ça marche pas. Ah ouais, d'accord. Bon, Gina. C'est pas du tout Gina, c'est Léna. Parce que Léna part en live, si tu mélanges, ça peut faire un petit peu Lina. Saint du jour, un saint à l'honneur. Hey Gina, toi. Aujourd'hui, bonne fête à Barthélémy et à Nathan. Bonne fête. Et bonne fête Nathan. On va pas vous oublier. Hein. Bah oui, faut pas oublier Nathan. Bonne fête Nathan. Alors, la caractérologie de Barthélémy. Donc le point positif. Vous avez dans la vie plusieurs idéaux qui vous attirent et que vous cherchez patiemment à atteindre sans jamais vous décourager avec une confiance toujours renouvelée. C'est super. Le point négatif, c'est vous cool. Avez une vision pessimiste de l'univers et particulièrement de la nature humaine puisque vous avez une grande difficulté à faire confiance aux autres. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que l'univers est grand. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on peut difficilement avoir confiance en tout l'univers. Ah ah ah. Je ne m'appelle pas Barthélémy. C'est pour ça que je peux le dire. Et les Nathan, c'est pareil. Ils sont ouais. À la même enseigne. D'accord. Bon bah c'est pas mal tout ça. J'espère que si vous appelez Nathan ou Barthélémy, faut nous envoyer un texto, on vous fera gagner des bracelets collector 0622 69 18 19. Vous voyez juste, vous vous appelez d'un prénom et puis c'est jackpot. Ça fait plaisir. Et puis là on va les signer même les bracelets collector. C'est les derniers qui nous restent, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc faut vous précipiter. 0622 69 18 19. Ah oui, parce que je sais au début de l'été ça rigolait tout ça, vous avez des tas de bracelets, ça va jamais devenir collector. Maintenant, je peux vous dire que pour vous procurer les verres, bah, faut vous lever de bonheur. Même de très très bonheur. D'ici quelques instants, nous retrouverons le canular du jour. Je vais appeler un Barthélémy, voire un Nathan, voire les deux. Mm-hmm. On peut être fou. T'as Barthou mieux aussi. T'as Léma, Lémi, mieux, Néal et bah, Néal. Bien sûr, je m'appelle Barthou mieux. Barthou pire ou Barthou mieux? Barthou mieux. Ah d'accord, oh, c'est bon. Oh. Syndicate of Destination Calabria, ça donne Alex Godino. C'est excellent, c'est un remix qu'on passe rarement sur la radio. Et ça nous faisait plaisir en ce week-end de vous le passer pour mettre un peu l'ambiance. Destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known. Destination unknown. the pollution, the crown. The air is clean, the ocean's blue, I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known, known, known, known, known, known, known. Dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Combien de boum boum cette fois? On en a rajouté deux depuis la dernière fois. Je dirais 9. 9 boum boum. Vous avez la bonne réponse. Envoyez le chiffre au 0622 69 18 19. Vous gagnerez les bracelets collector une fois de plus. Signé et dédicacé. Tiens, je dédicace par Jack combien? Et par Léna. Par Jack et par Léna. On fait un dédicacé, regarde, oui, en direct, comme ça. Voilà. Trouve ton petit coin. Je trouve mon petit coin sur le bracelet. Voilà. Et si vous nous donnez exactement le nombre de boum boum, vous gagnez le bracelet collector, tu vois, signé et dédicacé. T'as vu, auditeur, on te gâte quand même. Et puis ce même numéro SMS pourra vous faire gagner des huîtres et des places de cinéma, bien sûr. Waouh, une belle signature de Jack. Ouais, ouais, mais c'est en direct, en plus vous pourrez dire ce moment était fait en direct à la radio et Léna pendant l'instant où je vais parler va également dédicacer le sien, ce qui veut dire quand même que l'instant est énorme sur l'antenne. On va faire le canular et vous savez aujourd'hui c'est la Saint-Nathan, donc si vous connaissez des Nathans, faut leur souhaiter leur fête. Ouais. Et nous on en connaît un justement qui travaille dans les éditions, bah oui les éditions Nathan. On va essayer de les appeler, on ne sait pas encore si on va tomber dessus. C'est une proposition qui est tombée à l'instant. Et ça peut promettre, je pense. Hein. Oui, t'as ça va être bien sympa. T'as déjà appelé un éditeur? Non, mais on a déjà fait, nous. On a déjà fait des livres? On a déjà fait un éditeur. C'est vrai. SWV, Right Here, Human Right. Il y a un petit côté Michael Jackson, un petit côté Translove. Génial. Some insecurities about the way I feel, where I wanna be. But you know what's with you? No one can do the things you do to me. Never to be mistaken, long as this love we're making, there's gonna be some rain, gonna be the pain. But as long as I know, boy, time will show. Our love will grow. À l'instant, c'était SWV, c'était sur Estival, bien sûr. Vous nous écoutez également sur Internet et progressivement, vous allez entrer dans un autre univers. Entrer progressivement dans un autre univers. La VIP, l'émission qui fait boum boum, boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Attends, il y a encore d'autres boum boum. Ça y est, t'en as combien toi? J'en ai 11. Il y en a encore. Ça n'en finit plus. Ah, ça c'est le remix, hein. Vous l'entendrez nulle part que chez nous. C'est vrai. On va peut-être créer cette chanson Boom Boom d'ici la fin de l'été. Le remix spécial estival, vous verrez. C'est à venir à la radio. On aime bien faire des petits points comme ça musicaux. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le canular. Je sais pas. Ouais. On va appeler une maison d'édition. Puis là, je vois que l'heure tourne, donc on a intérêt à se dépêcher. Hop, tac. Est-ce que c'est la Saint-Nathan? Et on appelle les éditions Nathan. Bonjour. Bonjour, Romain Burieux. Je vous appelle parce que j'ai lu un livre. Mmh. Et en fait, le souci moi que j'ai, c'est que c'est exactement mon histoire. Mais c'est un livre de chez nous? Tout à fait, les surfeurs de l'inconnu. Oui, alors, attends. Ah bah oui. Oui, mais attendez. Ah bah oui. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un de l'éditorial, c'est ça? Pourquoi oui. Vous appelez? Bah parce qu'en fait, bah je trouvais, j'aurais voulu savoir en fait comment cette personne avait en fait pu avoir comme ça l'histoire. Ah, il faudrait que l'on une partie vous de ma vie. Quand vous. Parce que c'est le même prénom en plus. Que l'on vous fasse rencontrer l'auteur alors. Ah oui. Attendez une seconde, je vais essayer de trouver quelqu'un. C'est aux collections Comet. Bon, petit problème, je n'ai absolument pas lu le livre. Donc ça mais va. Tu n'as pas la fiche technique? Ah non, il n'y a rien y a dessus. Pas marqué fiche technique. Non, non, c'est, je sais technique. Quand c'est paru. Mais... C'est quoi que t'as dit? Les surfeurs de l'inconnu. Les surfeurs de l'inconnu. C'était le nom du héros. Ouais, je vais chercher ça. C'est aux éditions Comet. Enfin, Nathan, bien sûr, puisque c'est. De l'inconnu. Puis ils sont partis manger, évidemment. Vous êtes connecté à la boîte vocale de. C'est Christian Grenier. Veuillez enregistrer votre message après le signal sonore. Ça me fait une belle jambe. Non, mais j'aimerais retourner au standard, s'il vous plaît. C'est la radio estivale, comment on fait? J'aimerais retourner au standard. Je suis coincé. Alors. Oui, non, mais là, je suis sur répondeur, là, donc d'accord. Je laisse un message sur répondeur. C'était un très beau livre, en tout cas. Merci. Voilà. On raccroche, hein, quand on raccroche. Alors, les surfeurs de l'inconnu. Alors, c'est en Australie, un jeune garçon Manu s'adonne au surf. Manu. Sur la plage, il est le témoin d'une disparition puis d'une autre et il en cherche les causes. On rappelle le standard. En fait, t'as foutu sur un truc. Ouais, sur une voie de garage. J'apprécie. Alors, il est en vacances en Australie avec son copain Clovis. Et un jour, en fait, il assiste sur la plage à la disparition d'un surfeur. Allô il... Allô. C'est bizarre. Hein, donc il va prévenir le maître nageur, mais il ne le croit pas. Alors il décide de prévenir la police et elle le soupçonne. Donc de. Élise Nathan, bonjour. Oui, bonjour. Romain Durieux, je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec un des livres sortis. Oui, quel ouvrage, monsieur? Bon, il s'agit des surfeurs de l'inconnu. Oui. Parce que moi, en fait, je m'appelle dans le monde du surf Manu. Et il se trouve que c'est un peu l'histoire de ce qui m'est arrivé. En fait, je suis allé en Australie. Ouais. Et avec un copain qui s'appelle Clovis, justement. Et tout ça, c'est j'ai l'impression de vivre ma vie, quoi. C'est qui l'auteur? Ah, là, vous m'avez dit que ça s'appelle comment, l'ouvrage? Les surfeurs de l'inconnu. Mais j'ai déjà appelé, on m'a mis sur une voie de garage. Moi, j'aimerais parler avec vous, tout simplement, puisque vous êtes représentant de... Non, je ne suis pas représentant, monsieur, moi, je suis le standard. Voilà, c'est ça, vous êtes le premier représentant, donc. Oui, mais c'est juste vous savez, hein. Envers qui vous dirigez. C'est un ouvrage jeunesse ou plutôt un ouvrage pour adultes Pour adultes, il y a des scènes un peu osées, effectivement, ouais. Édité par Nathan. Vous l'avez lu, j'imagine? Non. Moi, on m'avait dit que tous ceux qui étaient au standard lisaient normalement les ouvrages. Ah non, ça se passe pas comme ça, monsieur. Ah bon? Non. Ça a changé depuis quelques années. C'est édité par Nathan, vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Les surfeurs de l'inconnu, édition Nathan, monsieur. Oh là là, alors attendez. Mais par contre, ne passez pas une voie de garage, j'ai l'impression qu'on essaye de me jouer la charandole. Non, on vous joue rien du tout, c'est juste qu'au standard, je peux vous renseigner sur rien du tout. Donc, Mais je n'aime pas la charandole, je préfère... Oui, mais c'est la seule chose, c'est que si ce n'est pas un ouvrage jeunesse, moi je vois pas vraiment, parce que les éditions Nathan éditent que des ouvrages jeunesse et des ouvrages scolaires. Donc si vous me dites que dans l'ouvrage que vous cherchez, il y a des scènes un peu osées... Ah bah au niveau où ils lui montrent des coquillages, quoi, enfin c'est une interprétation, mais après... C'est bien de chez vous, hein, les surfeurs de l'inconnu. C'est édité en quelle année, vous ? Comète, avril 2002, j'ai été surpris. C'est l'année où je suis allé avec mon ami Clovis à la plage. Alors, attendez, ça doit être... attendez un instant, je vous mets à relâcher avec un éditeur. Tu peux parler, hein, t'entends pas. L'auteur, c'est Christian Grenier. De toute façon, ils vont nous envoyer dans une boîte de garage, c'était oui, pas un principe. Mais je t'ai dit, l'auteur, c'est Christian Grenier. D'accord. Et c'est un roman à partir de 12 ans. Le thème, c'est Australie Mystère. C'était osé, hein, quand ils arrivaient sur la plage. En fait, il a une copine. C'est Twin Peaks, le fond sonore. Il a une copine qui s'appelle Andy. Et en fait, le truc, c'est que il y a une planche de surf dans un magasin, en fait, que Manu a envie. Ouais, que Manu a envie d'acheter. Et en fait, il la vole. Et au moment où il la vole, t'as le vendeur qui fait « Non, non, prends pas ça, parce que sinon tu vas disparaître. » En fait, c'est ce qu'il veut. Il veut disparaître. Allô ? Pour rejoindre les gens qui ont déjà disparu et pour comprendre pourquoi ils ont disparu. D'accord. D'accord, ça te va ? Donc, si ça vous intéresse, hein, c'était un petit côté culturel. Ça a l'air pas mal en plus. Ouais, hein. En fait, on l'a pris au hasard comme ça pour faire. Les surfeurs de l'inconnu, auteur Christian Grenier, ses éditeurs Nathan. Vous êtes connectés. Ouais, d'accord, à allez, hop, sociale. Au revoir. Hop. Et ses collections Lune Noire de l'an 2000. D'accord, allez, c'était un petit point. On a appelé par boutade les éditions Nathan. On a eu un standardiste, évidemment. Deux standardistes, même, oui. D'ailleurs. Pas très doués. Effectivement. Qui ne lisent pas les livres. Oh, bah, c'était... c'est pas bien. On peut s'en douter, parce que vu la tonne de livres qu'ils publient, bien malin, le standardiste qui pourrait tous les lire. Déjà, au niveau des directeurs d'édition, je sais pas s'ils les lisent tous, ça m'étonnerait, c'est par collection. Donc, le standardiste qui arriverait à tout lire, c'est quand même le super standardiste, quoi. Nathan, ça c'était pour la petite blague. C'est Mos, ça c'est pour la musique. Le titre c'est Two Millions Way. Ça fait beaucoup de voix. We'll be right back. The music of the sun and the stars. The music of yourself. The music of yourself. The music is different here. The vibrations are different. Not like Planet Earth. The vibrations are different. Not like Planet Earth. On a 2 millions de voix. Ça en fait des voix. Hein. C'est sur l'antenne et c'est Estival que vous écoutez sur le 107.4 également sur internet www.station-millenium.com. Entrez progressivement dans un autre niveau. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum. Ah, c'est dur de compter les boum boum. On a ce jeu à la radio, mais c'est pas facile. D'autant que, est-ce qu'on compte les deux premiers boum boum quand tu dis l'émission qui fait boum boum déjà ? Boum boum boum. Non, mais juste boom, les boum boum boum boum. Mais en fait, il y en a plein après. Il est fou. Je sais comment je peux savoir d'ailleurs. Parce que on les a placés sur un banc de montage, donc on les verra apparaître un par un. En tout cas, si vous avez la bonne réponse, on vous offre des cadeaux. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre chiffre au 0622 69 18 19. C'est le club VIP. On fait le jeu du boom boom aujourd'hui. Il y a Léna dans les studios. Il y a également Elodie. Hello. Bonjour. Elle m'a ramené le closer de la semaine prochaine. Et est-ce qu'on a des exclus? Ah ouais. Il y a Cathy Holmes qui sera Wonder Woman. Non. Si. Oh bah ça fait plaisir. C'est trop bon. Pourquoi t'as les photos? Ouais. On peut voir? Tu veux voir? Ouais. Non, je te montrerai tout à l'heure. Ah d'accord. C'est pas mal. Ok. Bah tu la décriras pour les auditeurs parce qu'ils veulent savoir. En fait c'est simple, c'est le corps de Wonder Woman avec la tête de Cathy Holmes posée dessus. C'est assez. Ah c'est à dire que. C'est un montage, c'est pas mal. Ah ouais. Mais pour le film ça sera pas un montage, si? Non, ce sera pas un montage. Ah c'est un vrai film en fait. Ah c'est un vrai film. Ah oui, ils ont donné une idée de ce que ça pourrait donner quoi avec Cathy Holmes. Ouais. C'est sûr, parce qu'elle est pas très musclée. Oh, non, elle est un peu, en fait, en ce moment, elle est un peu fatiguée. D'accord. Bon, qu'elle se repose et qu'elle attaque Wonder Woman de main de maître. Nous allons nous retrouver avec le Dance Machine du jour. Oui. Ça sera un succès Eurodance que Léna, l'experte de l'Eurodance, va nous décrypter. C'est dur d'être experte d'un peu tout, non, Léna? Oui. Ouais. J'y arrive très bien, apparemment. Oui, c'est vrai, c'est clair. Le club VIP. David Guetta featuring Chris Willis, le titre c'est Money. She don't care about education. Money is her motivation. He don't live but love and passion. When he can buy his satisfaction. Get rich. pas mal du tout. C'était tout simplement Chris Willis, Monet sur l'antenne. La suite. Entrez progressivement dans un autre niveau. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum. Ça compte dans le studio pour savoir le nombre de boum boum. C'est le club VIP. C'est avec Léna. Voilà. C'est avec Elodie. Oui. C'est avec Thomas. Ouais, je sais, j'ai l'impression de parler tout seul, mais en fait, parce qu'ils n'ont pas de micro, mais s'ils s'approchaient par exemple d'un micro blanc, par exemple, on entendrait les autres personnes. Donc on va le refaire, hein, quand même. On va... Parce que il faut prouver, tu crois pas, Léna? Parce oui, que oui, les auditeurs se disent, prouver. Ah, c'est mytho, ces animateurs sont tout seuls, ils font l'émission tout seuls de chez eux. Non, on n'est pas chez nous. Bah, ils peuvent même pas savoir, si ça se trouve, c'est ce qu'ils se disent. Alors ouais, c'est pas vrai, on est dans le prestigieux studio d'Estival FM. Qui est un des plus beaux studios du monde. Hein, oui, on très bien dit. Rangé, moi, je trouve. Hein. Quelqu'un est arrivé. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Quelqu'un est arrivé, a dit, c'est pas possible. c'est pas le studio qu'on vous connaît d'habitude. Donc, il y a Elodie. Oui. Tu fais un peu voix off, c'est ça? Un petit peu, ouais. Voilà. Il y a Thomas. Voilà. Bah, il a hoché la tête. Voilà. Effectivement, c'est moyennement radio. Mais il y a de l'idée, quand même. Nous allons voir un petit peu sur le programme ce qui va être au goût du jour. C'est l'Eurodance. On peut peut-être l'attaquer de suite. Si tu veux. Parce qu'on va parler Dance Machine. Merci. Et c'est important quand même de préciser. Par contre, j'ai besoin de savoir le nom du groupe avant de lancer cette chronique importante. Pourquoi? C'est Rosaya. Pourquoi? C'est Rosaya. D'accord. C'est le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors, Rosaya est une chanteuse de dance music du Zimbabwe. Elle est connue pour son hit Everybody's Free to Feel Good, tu connais. Everybody, on dirait que c'est du Bob Sinclair. En 4 ans. Eh ben, en fait, c'est une reprise. D'accord. Ses succès dans les clubs lui ont valu le titre de Reine de la Rave. Et son premier album du même nom sort en 92. Il inclut d'autres titres tels que Are You Ready to Fly? Tu connais? Are you ready to fly? Le succès sera mitigé pour son premier album. Son deuxième album sera un échec commercial et ses producteurs vont l'abandonner. La ah pauvre. Oh là là. Alors en 96, un remix de son titre Everybody's Free entre au top 40. Elle fera un troisième album en 98 produit par un label indépendant, mais ce sera un échec total cette fois-ci. Ce ne sera plus mitigé. Bon bah comme ça le mitigeur aura pété et ça sera carrément l'eau froide. Et maintenant elle fait de grands duos. Ah bah ouais oui. Ah bon d'accord, ça s'est réchauffé un peu quand même. Bah oui heureusement, elle est avec Bob Sinclair. Oh bah ça va, elle est avec. Non elle est pas avec, elle fait un duo. Faut pas dire duo, de bêtises hein, parce que la copine de Bob Sinclair est très fidèle de l'émission. Et si elle apprend de la bouche de Léna que Bob Sinclair on l'aura dans le studio. est avec Rosaya. Que je cherche désespérément dans ton répertoire, est-il pour diffuser aux auditeurs quand même ce morceau d'anthologie? Mais j'y ai, non? Je ne sais pas, je te demande. Tu peux venir de mon côté. N'aie pas peur, viens du côté régie pour montrer aux auditeurs le Dance Machine du jour. Voilà. Tu peux même venir ici, hein, s'il te plaît. Non, elle veut pas, elle est restée dans le coin. Alors, Elodie, ça va? Oui, très bien. Ça se passe bien. Tu connaissais, toi, Rosaya? Pas du tout. Non? Comme quoi, hein. Ouais, comme quoi on passe à côté de grandes choses bah, des fois voilà. dans la vie. Il suffit d'écouter la radio. Exactement. Et puis on se dit, tiens. Et puis voilà. Voilà. On connaît plein de choses. On rattrape comme ça sa culture. C'est important. Hein. Moi-même, il y a des artistes que je connaissais pas dans la dance. Ah non, moi non plus. J'ai quand même revu mon quota de culture dance à son maximum. Et j'attends avec impatience Rosaya. Sinon, il y avait, tu sais, cette chanson de Carlos, Rosaya. Ah oui, exact. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Et c'était Rosalie même. Oui, c'était... voilà, Rosaya qui est venue, qui est là, qui est dans les studios, qui va nous chanter donc ce titre. Direct. Voilà, c'est parti, c'est votre revival du jour. Everybody's free. We'll be right back. together we'll make it through. Brother and sister together we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. I know you've been hurting, but I've been the one to fill in for you. And I'm gonna be just helping you out and never rock it. Oh, entrer progressivement dans un autre niveau. VIP, l'émission qui fait boum boum. Et voilà, c'était l'Eurodance du jour, c'était Rosaya. On vous a fait redécouvrir ce qui était un peu oublié, ce qui dans le studio nous a fait vraiment vibrer. Ah ouais, hein, c'est clair, ces morceaux-là, c'est des morceaux d'anthologie, on aimerait en avoir plus. Sinon au programme, tiens au hasard, je vous dis comme ça, on va retrouver le rappel des news, ça paraît pas mal ça Léna. Oui, oui, c'est pas mal. Non, mais on aime bien savoir ce qui s'est passé d'insolite sur la planète. Mm-hmm. Moi, en tout cas, j'aime bien. Toi, t'aimes bien ? Oui, c'est un truc comme ça. C'est sympa. J'aime bien ça. Et j'aime bien aussi la musique un peu qui bouge, puisque, vous savez, on est en week-end, donc on est dans le programme un peu plus boom-boom, hein, vous l'avez compris. Mm-hmm. Ça va être Eric Prydz. Tu connais Eric Prydz ? Oui. Il est pour la Proper Education. Ah, Proper Education. Ouais. Il est pas mal ce titre. C'est une reprise aussi. C'est-à-dire avec des couches, l'éducation propre. Voilà. Avec de la lingette propre, tout propre. C'est pour les petits enfants. We don't need no thought control. C'était Eric Price, le titre c'était Proper Education sur l'antenne. C'est le club VIP, c'est la bonne ambiance. Il y a Léna dans les studios, il y a Elodie, il y a Thomas, il y a Jack, il y a même Erwan, le coach sportif. Erwan, un petit mot quand même. Salut. Non mais au micro quand même. Parce qu'on explique aux auditeurs depuis tout à l'heure qu'on est nombreux dans le studio, que c'est la bonne ambiance et que c'est pour ça qu'ils aiment bien nous écouter, je crois. Et ils aiment bien avoir des petites apartés avec chaque animateur un peu vedette de la radio. Eh bien bonjour les auditeurs, bonjour à tous. Ça c'est le coach sportif par exemple. Et si je te prends comme ça, tiens, au pied du micro, est-ce que tu peux nous donner un petit exercice à faire pour une remise en forme rapide? Oh, allez, un petit footing d'une demi-heure minimum, on va dire ça. Un petit footing tous les jours, le matin. Ouais, en début de journée ou en fin de journée. C'est quoi la journée type d'un animateur sportif professionnel? Oh là, c'est compliqué ce que tu me dis. Ça dépend déjà du planning. Ouais, mais en moyenne, en général. En général, ouais. Allez, on se réveille à 8h30. Vous avez entendu? Et ouais, c'est énorme. Au sort, quand le coq chante. Voilà, tout à fait. Enfin, en général, il chante depuis une bonne demi-heure, même une heure et demie. Non, ouais. 8h30, après, on se... Je veux dire, un petit déj, hein, comme il se doit. Et on est qu'au petit déj. Et on est qu'au petit déj. Ce que je te propose, c'est de faire un point sur le petit déj après. Ouais. Et je te propose d'écouter le journal, en fait. Allez, c'est parti. Tu sais qu'il y a le journal d'Estival ici à la radio. Il y a des titres insolites. Exactement. On les commente ensemble. Oh, allez, c'est parti. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, au sommaire, une prêtresse des sorcières accusée à Salem et une Suédoise obligée de créer une zone non-fumeur dans son propre jardin. Ah ouais, tout ça s'est développé dans ce journal. On commence par la première, ça se passe à Salem, c'est dans le Massachusetts évidemment. Une grande prêtresse sorcière autoproclamée et une autre personne sont accusées d'avoir déposé des restes de ratons laveurs devant les commerces à Salem. Oh là là! Inadmissible! C'est pas bien! J'en perds la voix! Heureusement qu'elles n'ont pas jeté de sort. Donc elles ont été accusées. Vous savez que Salem était une ville très connue pour ses procès contre la sorcellerie au XVIIe siècle. Il s'agirait d'un règlement de compte donc au sein de la communauté Vika. Communauté. Mouvement néo-païen qui compte de nombreux adeptes à Salem. Sharon Graham, 46 ans, et un autre membre de la communauté Wicca, Frédéric Purtz, ont plaidé non coupables mercredi des accusations de dépôt illégal. Le tandem avait quand même été accusé d'avoir déposé une tête et des entrailles de raton laveur. Ah, c'est dégueulasse. Bon appétit, bien sûr. Allez, on va en Suède, on va à Stockholm. Dépêche AFP, s'il en est, prestigieuse. Un tribunal suédois a contraint une femme à délimiter une zone non fumeur dans la plus grande partie de son propre jardin à la suite de la plainte d'un voisin avocat qui se disait gravement incommodé par la fumée, a rapporté jeudi le journal Sydsvenskan. Je vais me plier à la décision de la cour parce que j'ai peur de devoir payer des amendes, mais je suis furieuse, a déclaré la femme au journal suédois. Voilà, donc, n'habitez pas à côté de voisins fumeurs ou sinon faites-leur délimiter leur jardin, vous avez le droit visiblement. Il y a une jurisprudence en Suède en tout cas. Et nous retrouvons la voix de Léna qui va nous a parlé activité du week-end. Oui, alors le programme Cap Armor. Donc pour cet après-midi, il y a fabrication de cartes postales en relief de 14h à 16h, un tournoi de foot sur herbe des moins de 14 et des plus de 14 de 15h à 17h30 et c'est à Kerabram. Pour la soirée, c'est balade en voilier de 17h à 19h30 et initiation au tennis de table de 17h à 19h. Pour samedi après-midi, vous avez un jeu de loi géant de 14h à 16h30 et pour la soirée, c'est du badminton, donc en initiation de 18h à 19h, en tournoi de moins de 14 de 19h à 20h et en tournoi de plus de 14 de 20h30 à 23h et tout ça, ça se passe à Kerabram. Et pour dimanche après-midi, vous avez tournoi de volley, un 3 contre 3 de 13h30 à 17h et c'est à Trestraou. Pour destination bien-être, vous avez vendredi, aujourd'hui, le multimédia et toi à Trestraou. Samedi, la sexualité. Et dimanche, des tresses colorées pour finir l'été, tout en couleurs. Normal, puisqu'elles sont colorées, n'est-ce pas? C'est la seule journaliste, n'est-ce pas, à travailler comme ça en chantant et en bougeant la tête. Ah oui, c'est la seule, hein, c'est la seule. On connaît rarement de journalistes à faire ça. Tu le fais bien en tout cas. Je pense que les auditeurs l'entendent, même s'ils le voient pas, ils l'entendent. Oui, mais c'est bed, c'est pour ça, c'est possible le rythme du bed. D'accord, un bed est un lit musical, mais nous n'allons pas nous coucher, au contraire. Junior, senior, move your feet sur l'antenne. Mais vous n'êtes jamais trop VIP pour nous, non? Au contraire, ça fait bien plaisir de vous accueillir sur l'antenne. C'est Jack, c'est Léna, c'est également Elodie, c'est Erwan dans le studio, c'est Thomas et il y a encore un nouveau. Ça va être marrant parce qu'à chaque intervention au micro, on vous fait venir une nouvelle personne. Il y a James également qui est le responsable du club Macumba. Un petit mot, c'est le week-end, t'as le droit. Donc j'ai écouté ton émission là samedi soir, c'était bien. Ouais. Bah, ça fait plaisir d'être un peu en quelque sorte un partenaire du club VIP avec ce club Macumba. Ouais, non, mais ça fait plaisir également de t'avoir puisque tu nous proposes comme ça ta bonne ambiance, ta bonne humeur et les auditeurs t'en sont redevables. Ah non, mais ils le disent, hein. J'entends les auditeurs et ils sont très redevables. D'ici quelques instants, nous ferons un point sur la saga radiophonique qui s'appelle Kiss Forever. Que vous pouvez traduire en français par bisous bisous pour toujours. Faire un petit peu plus kitsch, mais on va peut-être l'annoncer comme ça d'ici peu. Il y aura également le grand jeu pour gagner des places de cinéma, mais aussi de l'huître. Tu aimes l'huître? Oui, tu aimes l'huître, toi, auditeur, parce que vous êtes nombreux à jouer à ce jeu et on vous en a offert pas mal ces temps derniers. Et peut-être si on est fou, on va vous offrir l'essence huître. Le club VIP. And Sophie Elise Bextor, Me and My Imagination, un point sportif également, et le TV Scope, c'est l'actualité qui vous attend pour cette émission du club. We're gonna play a game, just you and me. You never should be won so easily. Your eyes are on the prize, I'm worth the wait. Don't need to know the end, cause darling. L'été, c'est avec Sophie Lesbexor, Me and My Imagination. C'est avec Thomas qui va nous parler actualité sportive. Bonjour Thomas. Bonjour Jack. Ça va? Ça va et toi? On va bien. Nous allons attaquer le point avec tout ce qui est actualité sportive. C'est parti. Ouais, on commence par le football. Ouais, Akubayo. Yeah. Donc un transfert, donc c'est Kleber Anderson, c'est un défenseur brésilien qui était au Benfica, qui signe un contrat de 4 ans à l'Olympique Lyonnais pour 4 millions d'euros. Voilà. Quand même. En F1, c'est le Grand Prix de Turquie ce week-end à Istanbul. Donc classement des pilotes. Oui, Jack est déjà dans l'ambiance, on va. Donc classement des pilotes, donc il y a Hamilton qui est premier avec 80 points. Alonso second avec 73 points, Raikkonen est troisième avec 60 points et Felipe Massa est quatrième pour l'instant avec 59 points. Pas mal. Tout à fait. En tennis, le tournoi de New Haven cette semaine et Paul-Henri Mathieu s'est qualifié pour les demi-finales en battant Gilles Simon hier en 2-7. Bravo. Il va affronter James Blake qui a battu Verdasco en 2-7 également. Donc ça va être un sacré duel. Et toi, Jack, tu prévois une victoire de Mathieu? Mathieu. Ouais. Ouais. t'es toujours assez bon dans les pronostics sportifs, c'est pour ça que je te demande conseil. Ah ben bah, t'inquiète, j'ai vu son état de forme, il vient de sortir d'un petit rhume interne, hein, il le sait même pas lui-même. Je pense, effectivement. Et l'autre demi-finale opposera Ivo Karlovic à Mardy Fish. Et enfin, un petit mot d'athlétisme pour dire que les mondiaux de Zaka débutent samedi. Et donc, pour une durée de une semaine. Voilà. D'accord. Il y aura toutes les disciplines, là, le 100 mètres. Ah, toutes les disciplines. Beaucoup de Français, surtout à suivre. Pas tellement dans le 100 mètres, je pense. Non, pas sur le 100 mètres, mais côté féminin, côté masculin, il y aura du beau monde. Merci. La musique, c'est Justin Timberlake. Love Stone. Hey! She's freaky and she knows it. She's freaky but I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight. Hey, those flashing lights come from everywhere. The way they hit, I have to stop and stare. She's got me love stone, man, I swear she's bad and she knows. I think that she knows. She's freaky and she knows it. She's freaky, but I like it. Yeah. She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh. And all she wants is to dance. That's why you'll find her on the floor. But you don't have a chance unless you move the way that she likes. That's why she's going home with me tonight. Oh. Hey, those flashing lights come from everywhere. The way they hit, I have to stop and stare. She's got me love stone, and I swear she's bad and she knows. I think that she knows. Those flashing lights seem to cause a glare. Cause a glare. The way they hit, I have to stop and stare. Stop and stop and stay, yeah. She's got me love stone from everywhere. She's bad and she knows. Get it, girl. Freaky, but I like it. Hot damn! Let me put my funk on the guitar with her. She knows, oh, oh. Justin Timberlake, Love Stone. Club VIP. Justin, qui est bien sympathique, hein, entre son autre titre qui était What Goes Around Come Around et celui-là, Love Stone, on peut dire que c'est quand même le donjon de ces dames. C'est vrai. Hein ? On ouais. peut risquer ça quand même. Mais il y a quand même Christophe Maé. Ah ouais, bah toi tu seras l'indécrottable fan de Christophe Maé dans les studios. Essayez de chercher quelque chose pour la décrotter un peu quand même. Oh, c'est pas Je sais pas moi, prenez. Je sais pas. Bah allez. Emmanuel Moir. Non. Non. Oh ouais, non. Il est moins beau, non. La déception. D'accord. Le TVscope, c'est avec Léna, c'est une façon de regarder la télé sans la regarder en fait, c'est en l'écoutant à la radio. Le TVscope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Alors, aujourd'hui, on va parler de Secret Story, ça change pas. Donc, on dit que Tatiana et son mari Xavier sont prêtes à tout pour gagner Secret Story. Donc, mais l'émission télé-réalité semble n'être en fait qu'un tremplin pour la jeune femme. Donc, avant son entrée dans la maison, la blonde aux airs machiavéliques a en effet enregistré une chanson rien que pour toi. Elle est machiavélique. Hein. Machiavélique. Il s'agit d'une reprise d'un morceau de François Feldman qui sortira dans les bacs le 3 septembre. Des fans lui ont même concocté un clip déjà visionné de plus de 130 000 fois sur internet. Tatiana n'en est pas à sa première tentative pour percer dans la chanson puisqu'il y a quelques années elle s'est présentée au casting de la Starac mais elle s'est fait recaler. Vous, les, comme moi. Ouais, ouh. Non mais hier je m'étais présentée au casting également. Ouais mais ça a pas marché. Non. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Bah Tatiana ? Non. Si. Celle qui est dans Secret Story, on va la ouais. retrouver sur l'antenne. J'ai récupéré... Ça donne quoi, un petit avant-goût ? Prépare les oreilles des auditeurs parce que là... Ah, c'est bien sympathique. D'accord. Ta-da-da. C'est du Renault, presque. Non, c'est du François Feldman. Ah, c'est pareil. Moi, je trouve que ça ressemble à Madonna. C'est rien que pour toi alors. Oui, rien que pour toi. Ah ouais. J'ai senti là. Je comprends pourquoi elle a été virée de la Starac. Rien que pour toi. Et l'original, c'est ça ? Ouais. Rien que pour toi. Ah ouais, d'accord. Entre l'original ou la copie, hein, on se demande. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Eh bien, on plonge dans les navets également musicaux, visiblement. Merci en tout cas pour ce TVscope, Léna. De rien. Qui nous montre... Et tu penses que ce single va ressortir ou pas ? Bah oui, je pense que c'est dans les bacs depuis... du moins, ça va être dans les bacs le 3 septembre. Il y a quand même 130 000 personnes qui l'ont vu. En visionnage ? En visionnage. Sur Internet ? Sur Internet. Ah c'est ouais. énorme. Il y a un clip ? Oui, il y a un clip. Elle danse bien ? En fait, elle danse pas du tout. C'est une photo d'elle et on entend la chanson passer. Quoi. Ah oui, c'est un clip minimaliste. Voilà. C'est un scopitone. Non, mais il faut attendre le 3 septembre. Après, elle va nous faire un beau clip, hein, je pense. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, on l'attend pas sur la Starac, visiblement. Non, elle a été recalée. Bon, très bien. La suite, bah, c'est quand même avec la série Kiss Kiss Forever, épisode 15. C'est que vous êtes nombreux à l'avoir attendu. On y va. Et heureusement, nous aussi, on l'avait attendue, donc elle est là. On fait un peu de rap aujourd'hui dans l'émission, on aime bien ça. Et écoutez bien la série radiophonique, pourquoi ? Why ? Parce que c'est le dénouement ? Bah non, c'est le 15e, il y en a 20. Ah d'accord. Il y a le Sun Game après. Ah, bien vu, Elodie. Il y a le jeu après, derrière. Pour gagner ? 48 huîtres. Ouais, 2. Pardon ? Ouais, 3. 4. Non. On vous fait gagner 2728 huîtres. Rien que ça. Là, j'ai compté, ça fait 48 bouches. Mais non, on va pas faire ça, on va pas non plus créer une crise de foi pour nos auditeurs. Mais il y a les huîtres à gagner, effectivement. Épisode 15, votre saga radiophonique. Dans les épisodes précédents, Brian est sorti de l'amnésie. En allant chez son producteur, il se remémore une partie de son accident. C'est sa femme qui lui aurait tiré dessus. Voici l'épisode 14 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Menace cachée ». C'est le 15. Résidence Forever, 9h58. Bonjour Docteur Lover. Bonjour Brian. Belle journée pour les oiseaux. Et belle journée pour les amnésiques. Au fait, où est ma femme ? Avec son professeur de sport. Son amant. Oui. Pour en revenir à votre entretien de la veille, que s'est-il passé ? Que j'allais de nouveau faire du cinéma. Vous devez être content ! Je suis content et en même temps heureux. C'est un sentiment diffus que je ne peux exprimer par les mots. Mais qui se lit dans les yeux ? Malgré tout, j'ai appris l'impensable. Ah bon ? Des souvenirs de ma mémoire ont jailli chez ce producteur. Des souvenirs de quelle nature ? Sombre. J'ai revu dans ma tête l'incident entre moi et Pamela. Quel incident ? Je devais produire mon film à l'ouest de l'amour, mais Pamela, consciente des risques financiers, a préféré tenter de m'ôter la vie. Je suis quand même un peu déçu par elle. Au petit déjeuner, elle a fait tomber sa biscotte dans son café. J'ai vu qu'elle n'était pas dans son assiette. Malgré ces images que je revois, je trouve étonnant qu'une femme avec une coupe de cheveux aussi droite puisse me faire un coup tordu. Comment ça ? Mon cerveau me joue peut-être un mauvais tour. Peut-être que Pamela n'est pas aussi noire que son café. Peut-être. Que vas-tu lui dire ? Rien sur mes visions. Juste que je compte tourner le film à l'ouest de l'amour. Hé hey papa ! T'as lu la presse ? Calme-toi, Jérémix. Le prof de sport de maman a été retrouvé pendu par 3 mètres de fond, attaché à une ancre de marine, avec 2 balles dans la tête. Il est mort ? Froid comme un glaçon, papa. C'est bizarre, tous ces accidents autour de Pamela. Ça confirme bien que toute cette histoire floue est loin d'être nette. Épisode 15. Bah ouais, ouais. Suspense maximum. Mais qui est Pamela au fond ? Et que nous réserve-t-elle encore ? Et Brian, pourquoi n'a-t-il pas de chance ? La suite. Bah la suite, c'est le Sun Game. On va jouer donc au Sun Game pour vous faire gagner des huîtres. Et peut-être également des places de cinéma. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est vrai ? Mm-hmm. Donc on va vous poser une question relative à l'émission donc du jour et plus particulièrement à la série. As-tu la question dans ta tête Si tu veux. Tu l'as toi peut-être ? Ouais, moi j'en ai une. Tu veux la poser ou je non, la pose ? Non, vas-y, j'aime bien faire ça. D'accord. Oui, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Alors attention, c'est parti. Vous avez bien suivi l'épisode. Voici la question. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. La question du jour. Attention, dans l'épisode qui vient de t'être diffusé, notre ami Jérémix annonce à son père que Rudolf, le prof de sport de Pamela, est froid comme petit A un oignon, petit B un glaçon ou petit C un moignon. Vous avez la bonne réponse. Eh bien, n'hésitez pas à nous textoter 0622 69 18 19. Alors, est-il froid comme un oignon, petit A, comme un glaçon, petit B, ou petit C comme un moignon ? Vous avez la bonne réponse, 0622 69 18 19. J'avoue que c'est pas facile. Il y a des places de cinéma à gagner, des bourriches d'huîtres. Donc, vous avez le choix entre trois bonnes réponses. Petit A, oignon. Petit B, glaçon. Petit C, moignon. Voilà, vous savez, vous avez la bonne réponse, 0622 69 18 19. C'est pas facile, mais y a des beaux cadeaux à gagner. On pense à l'Amster d'Elodie. 0622 69 18 19. On vous dit à lundi. Bon week-end. Bye bye. I'm